Merci, bonjour à tous. Voilà, donc moi je suis d'une association qui s'appelle la Coordination Eau Île-de-France. Donc je vais essayer de vous parler de l'eau comme bien commun au travers de trois dimensions. La première dimension, c'est la question de l'appropriation privée de l'eau et en sens inverse de sa gestion publique qui est posée. La deuxième dimension que je voudrais aborder, c'est la question du droit à l'eau. Et la troisième dimension, c'est le soin qu'on peut prendre de l'eau, la préservation de la ressource, au travers aussi d'un exemple en région parisienne. Alors, sur le premier point, à savoir l'appropriation privée de l'eau, je vais peut-être vous dire des choses que vous savez déjà ou que vous ne savez pas, qui concernent le fait que... Vous entendez souvent parler, je pense ici, à Nuit debout, de la mondialisation, de la libéralisation du monde, de la mondialisation libérale. Il faut savoir que dans le domaine de l'eau, cette mondialisation, ces multinationales très agressives, elles sont françaises. C'est-à-dire que les deux principales multinationales qui essayent de faire la loi du marché partout dans le monde, elles sont françaises, c'est Veolia et Suez. Et donc, ce qui nous donne à nous, Français, enfin, ou habitants en France, une responsabilité particulière. Parce que si elles sont aussi puissantes, si elles ont une telle puissance économique, politique, qui leur permet d'être très agressives partout, c'est qu'en fait, ça repose d'abord sur, je dirais, leur soutien, leur solidité en France même. Sur le fait qu'en France, où elles existent depuis la fin du 19e siècle, s'est mis en place un système particulier qui est la délégation de services publics. C'est-à-dire que la délégation de services publics, c'est des élus, enfin une ville ou une communauté d'agglomération, enfin une collectivité qui confie à ces entreprises la gestion de l'eau ou d'un autre service, mais enfin c'est souvent l'eau à la base et l'assainissement pour des années et des années. Pour vous donner un exemple, en Île-de-France, il y a un grand syndicat des eaux qui s'appelle le SEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France. Ce syndicat, c'est un syndicat de communes, donc qui regroupe environ 150 communes autour de Paris. Les communes de la première couronne, Montreuil, Ivry, enfin voilà, tout autour Saint-Denis, tout autour de Paris. Et donc, ce syndicat, il délègue, il a confié la gestion de l'eau. L'exploitation, la distribution, la facturation, enfin tout, la production, à une multinationale qui est Veolia. Et ça dure depuis 1923. Là, le contrat qui se termine, il va se terminer en 2023. Donc, ouais. Ah, elle n'est pas touchée là. D'accord. Merci. Donc, il va se terminer en 2023. Donc, ça fera un siècle pour Veolia de privatisation de la gestion de l'eau en Île-de-France. Donc voilà, pour vous dire, je dirais, l'emprise de ces groupes sur une ressource aussi vitale que l'eau. Là, nous, en ce moment, on attire beaucoup l'attention sur un autre exemple. Alors là, c'est pas Veolia, c'est l'entreprise sœur, c'est Suez, qui se passe dans le nord de l'Essonne. La partie nord de l'Essonne, vous savez, en ce moment, il y a toute une réforme territoriale. La partie nord de l'Essonne, elle va, avec une grande partie du Val-de-Marne, elle va constituer l'établissement public territorial numéro 12. Et donc, juste avant, et c'est ça, c'est la réforme territoriale, elle a commencé à s'appliquer le 1er janvier. Donc, juste avant, il y avait des communautés d'agglomération. Et donc, une de ces communautés d'agglomération qui s'appelle les Portes de l'Essonne, donc qui c'est une communauté donc qui a arrêté d'exister au 31 décembre 2015, juste avant de s'arrêter, c'est-à-dire à mi-décembre. Donc cette communauté était en délégation de service public, c'est-à-dire qu'elle avait confié la gestion de son réseau d'eau à Suez, donc, et le contrat allait arriver à échéance dans 4 ou 5 ans. Il y a une limite pour la durée des contrats. Cette limite, elle est de 20 ans maximum. Et donc, au mois de décembre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un avenant, ils ont fait une délibération dans l'agglo, un avenant qui sépare la production et la distribution de l'eau. et ils ont décidé que la production, eh ben, ils repartaient pour 20 ans. Donc sans faire même de nouveaux contrats, sans même faire un appel d'offres, sans marché public, sans rien. Et donc là, on est dans un cas, alors je dirais un peu caricatural, parce que c'est pas du tout légal de faire ça. Et d'ailleurs, on essaye d'attaquer en justice cette décision. Mais voilà, ils ont la volonté de maintenir leur monopole, leur situation monopolistique sur cette partie du département de l'Essonne, en se disant qu'ils relancent pour 20 ans, ils reconfient à nouveau pour 20 ans à Suez la production, c'est-à-dire l'approvisionnement en eau potable. Et donc même si le nouveau territoire, le PT12, va décider d'aller plutôt vers une gestion publique, eh ben, ou voudrait le faire, eh ben, il ne pourra pas, parce que l'approvisionnement sera pour 20 ans à Suez. Et quand on maîtrise l'approvisionnement, on maîtrise quelque part le prix de l'eau. Et si on fait une régie de l'eau qui est seulement pour la distribution, on dépend complètement pour l'approvisionnement. On dépend finalement, ce qui déterminera le coût, ça sera les gens qui approvisionnent le service en eau, en gros. Donc voilà, là on est dans un cas où vraiment la ressource est appropriée par une multinationale d'une façon vraiment importante et avec sa volonté de maintenir une rente de situation et avec des élus, il faut bien le dire, qui l'aident, qui sont peu regardants finalement sur l'intérêt général et qui sont et qui sont prêts justement à confier quelque chose d'aussi essentiel, d'aussi vital que l'eau à ce genre d'entreprise. Juste un petit mot, bien entendu, on peut faire autre chose que cette gestion confiée au privé. L'exemple même, c'est Paris, hein, puisque Paris, en 2010, est revenu à une gestion publique et est passé après 25 ans de privatisation, après 25 ans où la gestion de l'eau était en partie confiée à Suez sur une rive de Paris et à Veolia sur l'autre. Depuis 2010, il y a une régie publique de l'eau, donc une entreprise publique qui gère l'eau à Paris, de la production à la distribution, enfin voilà, une entité unique, et donc pour le plus grand bien des Parisiens et des usagers. Donc voilà, bien commun, ça veut dire pour nous d'abord cette gestion publique, se débarrasser de la mainmise des multinationales sur la gestion de l'eau. Pourquoi alors, peut-être quand même, pourquoi est-ce qu'on veut avec autant d'insistance se débarrasser d'eux ? Pour plusieurs raisons. Mais évidemment, pour les usagers, pour une raison de tarif, c'est-à-dire qu'avec eux, le tarif est toujours beaucoup plus cher. Entre Paris et le CEDIF, sur la partie eau de la facture, c'est-à-dire vraiment pour la partie de la facture qui est consacrée à l'eau, il y a 40% de différence. L'eau livrée par le CEDIF est 40% plus chère que celle à Paris, alors que c'est un produit qui est très encadré, qui c'est un produit industrialisé. Donc voilà, il y a peu finalement qui est de coût, qui est de différence dans la fabrication, qui est une différence de coût aussi phénoménale. La différence, elle s'explique parce que c'est le privé et parce que le privé, il doit dégager des bénéfices, il doit dégager des profits, il faut des dividendes pour les actionnaires. Donc c'est la seule raison qui explique cette différence. Après, on est dans une loi entre le public et le privé, on est dans des logiques complètement différentes. Avec le public, on est dans une logique patrimoniale. L'eau, c'est le réseau et la gestion de l'eau, c'est un patrimoine public. Et donc, on y fait attention, on en prend soin. On essaye, par exemple, que nos réseaux soient bien entretenus et qu'il y ait le moins de fuites possible. Avec le privé, on est dans une logique marchande, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse le plus d'argent possible tout de suite. Par exemple, si on prend cet exemple des fuites, ben on laissera aller, on réparera les tuyaux quand il y a une fuite, simplement, quand il y a un gros accident, quand un tuyau casse et on n'a pas une politique de prendre soin Et donc, par exemple, si on voit au niveau du CEDIF, très concrètement, ça veut dire que leur rythme de changement des tuyaux, de renouvellement du réseau, c'est qu'ils renouvellent une canalisation chaque 200 ans. Or, on sait qu'en moyenne, une canalisation, elle a une durée de vie qui est 60 ans. Mais voilà, c'est un autre type de gestion. Voilà, entre le public et le privé, c'est une différence de logique. Donc voilà, ça c'était la première dimension du bien commun pour l'eau à la question de l'appropriation privée ou de sa gestion publique. Une deuxième dimension, c'est la question du droit. C'est-à-dire que pour nous, l'eau, c'est un droit, et l'assainissement, c'est un droit humain fondamental. Alors on n'est pas les seuls à le dire, hein, ça a été même reconnu par l'Assemblée générale des Nations unies en 2010. Ça a une réalité très concrète, ça. C'est-à-dire que dans un pays comme la France, où on est au monde, ou presque, à l'eau robinet, eh bien, jusqu'à présent, ces multinationales, principalement, ces grosses entreprises, elles pouvaient, et elles le font encore, couper l'eau à des personnes qui n'avaient pas payé leurs factures. Et donc ça, théoriquement, c'est pas possible parce qu'il y a une loi qui l'interdit. Qui s'appelle... Il y a une loi qui l'interdit, qui s'appelle la loi Brotte, qui existe depuis 2013. Mais malgré tout, on était arrivé à un niveau où il y avait environ 100 000 coupures d'eau pour impayés en France chaque année. Ces coupures d'eau, ça peut être pour des sommes dérisoires. C'est-à-dire qu'on peut couper l'eau à quelqu'un en France parce qu'il a un impayé de 50 euros. On peut couper l'eau à des personnes âgées, à des personnes malades, à des familles nombreuses, à des gens qui ont des enfants en bas âge, à des personnes handicapées. Nous, on a eu tous ces cas de figure-là. On peut couper l'eau à des gens sans jamais leur remettre. On a des exemples de gens qui, depuis des années, n'ont plus d'eau parce qu'on leur a coupé l'eau un jour. Et parce que on leur demande des sommes de plus en plus importantes pour le rétablir. Parce que non seulement on leur demande de régler leurs dettes, et alors sans discussion, il faut la régler cash tout de suite, pas question de faire un échéancier, rien du tout, mais en plus, on leur demande de payer ensuite des pénalités. On leur demande de payer quelque chose pour la coupure d'eau. On leur demande de payer quelque chose après pour le rétablissement de l'eau. Donc voilà, on est dans un système extrêmement violent. Et donc nous, notre action ces dernières années, elle a consisté justement à essayer de faire appliquer cette loi. Donc d'abord, ça consiste à informer les gens que les coupures d'eau étaient illégales. Donc on a publié ça sur notre site internet. Petit à petit, on a constaté qu'il y avait de plus en plus de gens qui s'intéressaient à ce sujet, qui nous contactaient, qui nous demandaient de l'aide. Donc on a commencé à aider, je dirais, les personnes au cas par cas. Dans les cas les plus difficiles, on est allé jusqu'au tribunal, donc on a attaqué, on est allé en référé pour faire rétablir l'eau à des personnes et on a tout le temps gagné. Donc on a gagné une quinzaine de procès en référé, ensuite en appel et on a même été jusqu'au Conseil constitutionnel. Alors là, c'est une des entreprises, une des multinationales qui s'appelle Lassor, là c'est la troisième, hein. Il y a Veolia, il y a Suez et puis il y a une troisième multinationale. Qui est Lassor, qui a déposé une question prioritaire de constitutionnalité disant que la loi qui interdisait les coupures d'eau n'était pas constitutionnelle. Et donc, le Conseil constitutionnel nous a donné raison et leur a donné tort. Donc, il a confirmé l'illégalité des coupures d'eau. Et malgré tout ça, et donc là, ça a été le cas qui a été jugé au travers de ça, c'était le cas d'un jeune homme dans le il y avait eu l'eau coupée pendant 20 mois. Et donc, dans ce cas, donc jugement du Conseil, après la délibération du Conseil constitutionnel, il y a eu un nouveau jugement. Et donc là, la SOR a été condamnée quand même à une amende de 16 000 euros. Voilà, ce qui est donc une amende avec des dommages, tout ça. Mais voilà, cette bataille continue. Et donc là aussi, on est... alors, c'est une illustration très concrète du droit qui fait partie de cette conception de l'eau bien commun. Voilà, on est toujours dans cette bataille parce que pour le moment, Veolia et la Sorre continuent à couper l'eau ou à réduire le débit de l'eau pour les gens qui n'auraient pas payé. Et donc, voilà, on continue cette bataille-là. Troisième élément, comment ? Ah si, si, mais dès qu'elles s'aperçoivent qu'on est sur le coup, dès qu'il y a une assignation, elles le rétablissent, l'eau. Mais ce qu'il y a, il y a beaucoup de cas. Nous, sur nos sites internet, on a recueilli 1 millier de témoignages en 2 ans. Voilà, et donc on a toujours des gens qui nous contactent, et on a toujours des nouvelles coupures d'eau. Alors là, maintenant, comme ils nous connaissent bien... On s'adresse par mail à la direction clientèle de Veolia ou de la Sorre, ils rétablissent immédiatement l'eau. Mais bon, c'est pas satisfaisant. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, cette loi elle soit complètement effective et que voilà, il n'y ait plus aucune coupure d'eau. Le public ne coupe plus l'eau. Les distributeurs publics ne coupent plus l'eau. Au départ, il y avait une grande régie dans le nord de la France qui s'appelle la Noréade, qui coupait l'eau aussi. On les a fait condamner une fois et ils ont immédiatement arrêté. Voilà. Donc là, aujourd'hui, dans le secteur public, il n'y a plus personne qui coupe l'eau. Les deux seuls qui font de la résistance, c'est Veolia et la Sorre. Et puis, bon, des fois, il peut y avoir une petite ville ou un village dans lequel ça arrive, mais c'est anecdotique. La troisième dimension de cet eau bien commun sur laquelle je voulais insister, ça concerne effectivement la préservation de l'eau, de la ressource, de la préservation dans le milieu naturel, à la fois... pour la qualité de notre environnement, mais à la fois aussi pour notre santé au travers de l'eau potable. Et donc là, l'exemple que je voulais vous prendre concerne notamment la Seine-et-Marne, parce qu'en Seine-et-Marne, vers Annette-sur-Marne, je ne sais pas si vous connaissez cette région-là, il y a Annette-sur-Marne, il y a Clessouilly, il y a Mitry-Maury. Donc là, il y a une situation très particulière, c'est que l'aéroport de Paris, Roissy-Charles de Gaulle, rejette ces eaux de ruissellement, c'est-à-dire des eaux qui ont l'aéroport, c'est une vaste surface imperméabilisée, donc il y a des eaux, quand il pleut, l'eau ruisselle, et cette eau, elle aboutit à des petits affluents de la Marne qui s'appellent la Beuvronne et la Reneuse. Et cette eau, en hiver, les avions sont traités contre le gel. Donc il y a des produits d'antigivrage, de dégivrage, qui sont l'éthylène glycol notamment, qui est un produit très toxique. Et donc tout ça, ça va dans ces affluents de la Marne et ça va dans la Marne. Donc premier constat, et avec le fait que ça pollue bien sûr gravement la Marne, mais que derrière, dans la Marne, à quelques centaines de mètres de là, Annette-sur-Marne, il y a une usine de production d'eau potable qui pompe l'eau de la Marne pour en faire de l'eau potable. Et ça fait plusieurs années qu'on agit sur cette situation. Et en allant sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre source de pollution qui était des décharges industrielles. À Clessouilly, il y a la plus grande décharge industrielle d'Europe qui est également exploitée par Veolia. Alors ça, c'est rigolo parce que Veolia exploite la décharge industrielle qui pollue l'eau. Et puis en dessous, il y a l'usine de production d'eau potable de Veolia aussi. Qui traite l'eau pour la rendre potable. Donc on marche vraiment sur la tête. Donc là aussi on essaye d'agir. Alors on a commencé ça il y a quelques années, surtout en direction de l'aéroport de Paris, et en direction de la préfecture, qui avait donné une dérogation à l'aéroport pour l'autoriser à rejeter ses eaux polluées dans le milieu interdit. Hein. Il y a une loi qui s'appelle la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006. Ce genre de rejet, donc ce rejet est dérogatoire de la loi, donc il y a une dérogation accordée par la préfecture d'année en année à l'aéroport de Paris pour rejeter cette eau polluée, et donc on a obtenu quand même qu'effectivement il y a un plan coûteux hein, de plusieurs dizaines de millions d'euros qui soit mis en place par l'aéroport pour traiter, pour trier ces eaux et pour rejeter les plus usées non plus dans la Marne mais dans le réseau d'assainissement. Bon, voilà. Mais ça, c'est un processus, ça se fait lentement, pour le moment c'est pas en place. Et donc, là aussi, c'est un terrain de lutte, un terrain d'action. Et d'ailleurs, on a besoin, j'attire aussi votre attention sur ça, on a besoin que tous les Parisiens, les Franciliens s'intéressent à ce genre d'action. Parce que, voilà, c'est en Seine-et-Marne, c'est un peu loin. Il n'y a pas forcément le rapport à Clé-Souilly pour faire plier Aéroport de Paris ou pour faire plier Veolia. Si si tous les Franciliens et si tous les habitants de Paris s'y mettent pas, ce genre de situation ne sera pas résolu. Donc voilà, ça c'est c'était la troisième dimension sur laquelle je voulais insister de cet eau bien commun. C'est notre bien commun, ça veut dire qu'on en prend soin et donc qu'on agit pour empêcher sa pollution. Il est bien évident que pour nous, produire l'eau potable dont on a besoin pour notre consommation, ça ne peut pas se faire à partir de n'importe quelle eau brute. Évidemment, si on est dans une logique marchande, peu importe, plus on pollue, plus les uns polluent, plus les autres auront du travail pour dépolluer, et plus ils vous proposeront des traitements sophistiqués et coûteux que vous payerez vous en tant qu'usager, et pour eux ça ne sera pas un problème. Si on est dans une logique de bien commun comme nous, il faut vraiment qu'on agisse en amont, qu'on agisse pour que l'eau dans le milieu naturel soit le moins polluée possible et pour que du coup on produise une eau à moindre coût aussi pour les usagers. Donc on est gagnant de tous les côtés. Voilà les trois éléments que je voulais vous donner pour introduire ce débat, et puis je vous propose d'engager le débat. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? Bonjour. Oula. Moi, je connais pas grand-chose à la ressource de l'eau en général en France, mais ce qui me paraît étrange, c'est que vous parlez de cette ressource comme bien commun, mais historiquement, je comprends pas à quel moment. Enfin, ça me paraît super étrange que, au niveau du territoire national, ça puisse être divisé comme ça et ça puisse être une gestion pas du tout. Enfin, que ce soit une gestion hétérogène. Historiquement, je comprends pas comment c'est possible en fait. Donc, je sais pas en termes juridiques ou quoi comment ça se passe, mais j'aimerais bien comprendre les mécanismes parce que. S'il y a eu un moment où ça s'est vraiment privatisé selon certains territoires, au niveau national, comment ça se fait que ce soit comme ça ? Enfin, qu'il n'y ait pas vraiment une gestion homogène qui empêcherait certaines inégalités de prix ou d'accès à l'eau ? En fait, c'est comme ça parce que depuis la Révolution française, et puis peut-être même avant, la gestion de l'eau est une compétence communale. Voilà, donc c'est la commune qui est responsable, qui a la compétence de l'eau, et donc elle en fait ce qu'elle en veut. Dans certains cas, elle l'assure elle-même avec une régie municipale, et dans d'autres cas, elle le confie au privé par une délégation de service public. Et donc, effectivement, ça donne lieu à une situation complètement hétérogène, à des tarifs complètement hétérogènes, à des qualités d'eau complètement hétérogènes. Alors là, aujourd'hui, on est plutôt dans un mouvement de concentration, c'est-à-dire que c'est plus les communes, mais c'est plutôt les agglomérations. Là, en région parisienne, c'est en train de passer la compétence qui, jusqu'à présent, était aux communes et aux agglos. Elle est en train de passer à ces grands établissements publics territoriaux. Donc, vous voyez, dans la cadre de la métropole du Grand Paris, il y a 12 grands établissements publics territoriaux qui font chacun au moins 1 million d'habitants. Donc, Paris en est un. Ensuite, il y en a un Est Ensemble, par exemple, en Seine-Saint-Denis, qui regroupe une dizaine de villes en est un, Pleine Commune en Seine-Saint-Denis en est un autre, dans le Val-de-Marne, il y en a un. Enfin voilà, il y a une douzaine de grands établissements publics, et c'est eux, aujourd'hui, qui vont avoir la compétence de l'eau et de l'assainissement. Mais voilà, pour répondre à votre question, c'est issu de ça. Au départ, c'était plutôt un avantage, parce que quelque part, cette question de que la gestion de l'eau soit décentralisée, quelque part, c'est quand même pas mal, parce que l'eau, c'est une ressource locale. On cherche pas à faire, on peut pas imaginer un service public national de l'eau comme, je sais pas moi, comme EDF. Par essence, l'eau est locale, c'est un service de proximité, même si on peut considérer que globalement, c'est un bien commun. Enfin, historiquement peut-être, mais par rapport à des, j'irais les, la façon dont s'organisait peut-être la distribution de l'eau. Mais c'est vrai que là où elle aurait raison, c'est qu'aujourd'hui la modernité fait que peut-être que comme l'électricité, on pourrait organiser le territoire avec des canalisations où il y aurait un contrôle national sur un système de distribution qui permettrait une alimentation et puis qui serait commune à tous de toute façon, avec et que tous les points, en fait tous les points d'entrée pour faire circuler l'eau appartiendraient bien à l'ensemble des citoyens, etc. Enfin moi je trouve qu'il y aurait aussi une pertinence de cette manière là quoi. Pour moi, hein. Par rapport même à des endroits où il y aurait pas d'eau par exemple, on leur acheminerait l'eau parce qu'ils en ont besoin et là il y en a trop. On pourrait y compris réguler la façon dont il la consomme. Moi, je pense souvent à la ville de Paris. Bon, c'est joli pour l'esthétique et les touristes, mais quand je vois tout ce qu'on consomme pour les fontaines, l'animation des jardins, etc., il y a bien une réflexion aussi sur le gâchis ou sur la façon d'organiser la gestion de l'eau qui mériterait d'être mis plus en commun. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Puis, voilà. En fait, je comprends. En fait, il y a des choses qu'on peut faire au niveau national dans le domaine du service public de l'eau. C'est-à-dire que, par exemple, on peut imaginer qu'il y ait des péréquations pour les tarifs, on peut imaginer qu'il y ait le même statut pour le personnel, qu'il y ait des formations ou que la recherche soit mise en commun. La connexion des réseaux, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne affaire pour les usagers et les citoyens. Je vais vous donner... Parce qu'en fait, ça se passe là en ce moment. Par exemple, en Seine-et-Marne, qui effectivement est un département qui n'est pas très dense de la région parisienne et qui en même temps est un département qui est très pollué. Donc là, je vous ai donné tout à l'heure des exemples sur la pollution industrielle, mais il y a aussi beaucoup de pollution agricole. Donc on arrive dans des villes de Seine-et-Marne où les captages locaux ne sont plus potables. Donc il y a trop de pesticides et il y a trop de nitrates. Hein. Il y a une norme pour les nitrates. On dépasse la norme. Quelle est la solution actuelle? C'est qu'on interconnecte les réseaux. Donc on prend le réseau d'une ville où l'eau est trop polluée et le réseau d'une ville où elle est presque pas polluée, on mélange les deux réseaux et on arrive à une eau qui est juste en dessous de la norme. Bon, c'est quand même, voilà, ce qui est quand même pas terrible. Et les grands gagnants de c'est justement les multinationales de l'eau qui eux ont toujours une solution technique industrielle à proposer. Et c'est pas le contrôle des usagers. Eux ils essayent justement d'avoir quelque chose qui s'éloigne du contrôle des citoyens, du contrôle des usagers, qui est quand même possible dans une relation politique aussi de proximité. Comment ? Oui. Mais enfin je vous dis aujourd'hui dans quel cadre ça se fait. Et l'autre question sur le gaspillage, moi je suis tout à fait d'accord. Il faut voir aussi il y a plusieurs types d'eau et il y a plusieurs types d'usages. C'est-à-dire, par exemple, nous, ici à Paris, on a un avantage, c'est que, par exemple, l'eau potable, elle n'est pas utilisée pour nettoyer la voirie, qui n'est pas potable, qui est utilisée pour la voirie. Et donc ça, c'est quand même pas mal, parce que ça veut dire que pour rendre une eau potable, on consomme de l'énergie, on consomme des produits chimiques, etc. Donc c'est peut-être pas utile pour nettoyer le sol, d'avoir toute cette dépense là. C'est bien d'utiliser une eau brute. Donc c'est l'eau du canal de l'Ourcq, hein, qui est une eau brute, qui est simplement filtrée, voilà, qui est utilisée. Donc à Paris, il y a un second réseau d'eau, il y a un réseau d'eau non potable qui est utilisé pour des usages qui n'ont pas besoin d'eau potable. C'est pas le cas en banlieue. Au CEDIF, on utilise de l'eau potable pour nettoyer les rues. Alors, mais voilà, c'est parce que là, on est dans une logique marchande, parce qu'on est dans la logique que le CEDIF, eh ben, l'eau, il la vend, et Veolia qui est derrière, il vend de l'eau moins chère quand on en consomme une grosse quantité. Plus vous consommez d'eau, et moins vous la payez. Donc là, effectivement, on est dans une logique de marchandise, et on est dans une logique qui incite pas à faire des économies d'eau. Au contraire, pour nous, il faudrait pénaliser les gros usages pour inciter les entreprises ou même les collectivités à consommer le moins possible d'eau et à trouver des alternatives. Hein. Des alternatives, il y en a plein. Hein. On peut utiliser l'eau de pluie pour certains usages, on peut utiliser l'eau de nappe, c'est-à-dire l'eau souterraine qui est à basse, qui est très près du sol à certains endroits. Mais aujourd'hui, dans notre système économique, dans la logique économique dominante, c'est pas facile de faire ça. à l'île Saint-Denis, donc à côté de Saint-Denis, hein, vous voyez l'île Saint-Denis, c'est une petite île. Ils ont une nappe d'eau très proche du sol. Elle est à 50 cm la nappe d'eau, hein, c'est une île, ils ont la Seine tout autour. Et donc eux, ils ont décidé d'utiliser cette eau brute pour un certain nombre d'usages, comme le lavage des voiries, voilà, pour des usages qui ne nécessitent pas une eau d'une qualité extraordinaire. Mais ceci dit, ils sont plutôt pénalisés, eux. Eux, ils sont pénalisés en faisant ça, parce qu'ils font partie du CEDIF. L'eau qu'utilise l'île Saint-Denis, alors comme eau potable, pour ses écoles, pour un certain nombre d'usages qui nécessitent de l'eau potable, eh ben, eux, ils la payent au prix fort, puisqu'ils en consomment peu. Voilà, bon, mais on marche vraiment sur la tête. Et si on veut progresser, il faut changer ces logiques économiques-là. Ça va. Alors, j'aimerais juste bien rebondir sur la notion là, des partenariats publics-privés. Donc, c'est quelque chose où nous, en France, on se plaint de la gestion de l'eau qui est, au fur et à mesure, appartient aux firmes multinationales ou aux privés. Mais c'est quelque chose dont on ignore le fait, c'est que dans la plupart des pays en voie de développement, toutes ces politiques-là, donc ce qu'on appelle les PPP, c'est des choses qui sont extrêmement communes. C'est que tous ces multinationales-là, où nous, on subit les faits, c'est-à-dire qu'on paye quelque chose qui est plus cher que ce qu'on devrait payer, qui nous empêche notre droit de l'eau à tous, mais c'est que sous les prétextes de donner l'eau à tout le monde, l'accès de l'eau à tous les pays du monde les moins favorisés, c'est que ces multinationales-là, elles se font énormément d'argent dans ces pays-là, et que nous, on essaie de militer pour quelque chose, alors que notre État est assez fort pour le mettre en place. Les choses, c'est dans les pays en voie de développement, on voit que toutes ces firmes multinationales-là et ces partenariats publics-privés sont des choses qui entravent à la stabilisation de l'État-nation. Et donc, c'est des choses que je me demande comment on peut les gérer, comment est-ce que nous, d'ici, on peut mettre un mouvement de contestation qui est plus large que ce qu'on connaît à Paris ou en France, et faire des externalités au sein d'Afrique, par exemple. Je pense que, voilà, ce que je disais là sur les délégations de services publics, c'est une forme de partenariat public-privé avant l'heure, en fait. Hein, et c'est ce modèle-là qu'on essaye d'exporter. Ce qui est flagrant dans le domaine de l'eau, c'est que souvent au niveau international, leur justification, c'est de dire il n'y a pas d'argent pour l'eau, nous, le privé, on va investir. Et ça, c'est pas vrai du tout, en réalité. Ils investissent. Et alors, il y a quelques années, le PDG de Suez, là, c'était au début des années 2000, il avait lancé un grand truc. Il disait, ouais, le droit à l'eau pour tous, c'est formidable. Et nous, c'est nous, les multinationales, qui allons le mettre en place. Mais quand on regarde la réalité, ce n'est pas du tout la réalité. C'est-à-dire que dans les pays en développement, ce qui les intéresse, c'est les marchés solvables. Donc, ils vont dans les capitales, ils vont dans les grandes villes. Et encore, même là, ils ne tiennent pas leurs promesses. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu, dans la première des décennies de 2000 à 2010, ils ont subi plein de revers. Suez s'est fait mettre dehors d'Argentine, des Philippines, de plein de grandes villes dans le monde, tout simplement parce qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses, leurs prix se sont envolés. Les investissements qu'ils devaient réaliser n'ont pas été réalisés. Et l'extension du réseau qu'ils avaient promis n'est pas venue. Donc ils se sont en fait concentrés sur le marché des consommateurs qui avaient les moyens de payer, et ils n'ont pas du tout étendu les réseaux, ils n'ont pas du tout répondu aux besoins des populations. Voilà, donc ça. Et quand on regarde alors vraiment d'une façon globale les investissements dans le domaine de l'eau, ils proviennent très très peu du privé, c'est très minoritaire. L'essentiel des investissements reste public. Soit dans les pays en développement, soit par des mécanismes comme l'aide au développement ou des différents types d'aides, les partenariats que peuvent faire les collectivités. Enfin voilà, il y a plusieurs types de l'aide, la coopération décentralisée des collectivités. C'est de là que proviennent l'essentiel des investissements. Et quand on y réfléchit, c'est pas étonnant parce qu'en fait ici si on réfléchit à comment se sont construits, nous on est dans un pays où tout le monde pratiquement a l'eau au robinet, les réseaux se sont construits pas par un investissement privé, ils se sont construits par un investissement public massif. C'est difficile de croire qu'il peut en être autrement. Alors du coup, comment on peut aider les populations dans les pays en développement et partout dans le monde? D'une part, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des réseaux, c'est de travailler ensemble, c'est de leur faire part, nous, de notre expérience et de comment on voit ces entreprises, quels sont leurs mécanismes, y compris financiers, quelles sont les failles aussi dans leur modèle. Voilà, on essaye de leur apporter la connaissance qu'on a de l'intérieur du système, finalement, puisqu'on est quelque part, on est au cœur de ce système. Et d'autre part, dans plein de pas, il y a quand même des luttes. Il y a des réseaux, des associations, des élus, etc., qui agissent. Il faut considérer, pendant des années, en fait, ce qui a mobilisé les activistes de l'eau dans le monde entier, c'est la question du droit à l'eau. C'est-à-dire, on voyait une grande offensive marchande pour privatiser l'eau, pour imposer ses services privés partout dans le monde. Et face à ça, ce qui a rassemblé tout le monde, c'était le droit à l'eau. Contre la marchandisation, c'était le droit à l'eau. Et finalement, cette bataille-là, elle a été gagnée, elle a été gagnée à quel prix? C'est que notamment, vous avez peut-être entendu parler, il y a eu une ville en Bolivie qui s'appelle Cochabamba, donc là où c'était Suez, encore une fois, qui a eu la gestion de l'eau avec en consortium avec une autre entreprise. Et dans des conditions tellement dures pour la population, qu'il y a eu une véritable révolte populaire pour les mettre dehors. Donc une vraie révolte, une quasi-révolution, hein. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts, ça a duré des mois. Ils les ont mis dehors et il faut mesurer que c'est ça qui a démarré le processus de changement en Bolivie. Et que les gens qui se sont retrouvés au pouvoir ensuite, Evo Morales, etc., ce sont les gens qui étaient issus de cette révolte et qui portaient cette révolte. Et c'est la Bolivie qui, à l'Assemblée générale des Nations unies, a proposé la reconnaissance du droit à l'eau en 2010 et qui, à la surprise un peu générale, reconnaissance qui a été votée. Donc ça a été un peu le contre-pied de la marchandisation de l'eau. C'est le droit onusien, hein, c'est du droit soft, hein, c'est pas contraignant, c'est pas parce qu'on dit c'est un droit humain que ça l'est, mais quand même, c'est un point d'appui pour tout le monde. Et c'est quelque chose qui redescend. Et là, en France, en ce moment, on discute aussi, il y a une proposition de loi sur l'eau qui est portée à peu près par tous les groupes, par presque tous les groupes parlementaires, et qui vise aussi à la reconnaissance du droit à l'eau. Donc voilà, c'est quelque chose qui redescend après, qui est un point d'appui. Et donc après cette phase où ça a été un peu le droit à l'eau, le dénominateur commun, l'horizon alternatif, politique alternatif, aujourd'hui il nous semble que c'est l'eau comme bien commun, c'est considérer l'eau comme bien commun, cette conception-là qui est l'alternative politique à la marchandisation de plus en plus poussée de l'eau, de la nature, de la vie, de tout. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à... D'autres questions ou remarques? Oui, c'est pas vraiment une question, c'est une observation, certainement un peu naïve, mais je suppose qu'on peut imaginer des entreprises éthiques, c'est-à-dire genre une alternative aux multinationales qui disposerait à la fois de techniques, de recherche et de capitaux. Et je voudrais savoir, à un niveau, je veux dire, très en haut, est-ce qu'il y a un lien à faire, même avec les fonds éthiques, des financements peut-être de microcrédits collectifs? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut proposer normalement, par exemple dans les pays en développement, voir une banque mondiale alternative, je vais très loin, c'est de l'utopie et tout ça, pour pouvoir proposer quelque chose comme une économie publique ou voir une économie privée, mais entre guillemets morale, si vous jugez que c'est possible. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent que ça encore, c'est une dernière illusion. J'espère que c'était pas trop... Je crois d'abord qu'on peut s'appuyer sur les entreprises publiques de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a de grandes entreprises publiques de l'eau en France et dans le monde. Donc Paris, la régie Eau de Paris est quand même une grande entreprise de l'eau. Hein. Elle distribue l'eau à 2,5 millions de personnes. En fait, à et elle est... Ouais, ça... Merci. Elle est à la tête d'une fédération européenne des entreprises publiques de l'eau qui s'appelle Aqua Publica. Et en fait, on peut imaginer, ça existe déjà, des partenariats public-public. C'est-à-dire que l'alternative au partenariat public-privé, c'est des partenariats public-public qui apportent justement... les compétences, la technicité, tout ça, qui a besoin dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Donc ça c'est une piste de solution, ça existe. Je me souviens qu'il y a quelques années, par exemple, Paris aidait la capitale de la Colombie aussi, qui voulait repasser en gestion publique. Et donc Paris donnait des conseils, une assistance, etc. Je ne sais plus très bien où ça en est, mais voilà, et ça s'est fait, ça se fait dans plein d'endroits dans le monde. Après, il y a la question de la finance aussi, c'est-à-dire que finalement, en France, un des grands opérateurs financiers dans le domaine de l'eau et de l'assainissement dans le monde, c'est l'AFD, l'Agence française de développement. C'est un organisme public. Donc on devrait pouvoir faire pression sur cet organisme, sur la façon dont il agit dans le monde entier. Il y a d'autres organismes, hein, il y a la Banque mondiale, je suis pour les financements alternatifs, mais aussi il y a des financements, je dirais, mainstream publics. Il faut exiger qu'ils répondent, qu'ils aillent dans le bon sens au lieu de financer justement le développement du privé dans le monde entier. Voilà. Il y a aussi, depuis quelques années, il y a une possibilité en France qui s'appelle le 1%. C'est-à-dire qu'un service public d'eau, il peut utiliser jusqu'à 1% de son... de son chiffre d'affaires pour des actions de coopération décentralisée. Ça exige, donc par exemple, le CEDIF le fait, il ne fait pas à la hauteur de 1%, je ne sais pas combien il fait, mais il le fait d'une façon assez conséquente. La question, c'est de le contrôler, ça. C'est que ça soit contrôlé par nous au Nord, c'est-à-dire qu'on contrôle que cet argent, ça ne serve pas seulement à faire la promotion de nos multinationales et à faire... à les implanter là-bas, et il faut que ça soit contrôlé aussi au sud, sur place, pour que on se... Merci. Il faut que ça soit contrôlé sur place pour qu'on s'assure que cet argent aille bien à des projets qui sont ceux que demande la population. Voilà, donc ça c'est des formes d'intervention qui me semblent possibles. Ben, moi, je voulais savoir si tu peux nous éclairer aussi au niveau de l'Europe, par exemple. Est-ce que la France est plutôt un pays où ça se passe mieux qu'ailleurs, ou s'il y a des pays qui sont mieux organisés que nous? Et ou, en tout cas, est-ce qu'il y a des réflexions au niveau européen, quand même, pour se nourrir un petit peu des bonnes expériences de partout, pour avancer plutôt à l'échelle européenne, sur le sujet de l'eau, par exemple? Merci. Ben, la France, c'est pas vraiment le bon exemple, en fait, hein, puisque voilà, je vous le disais en introduction, la France, c'est quand même le fer de lance de la libéralisation économique dans le domaine de l'eau, dans le monde entier, en Europe aussi. Donc voilà, on est un des rares pays où l'eau est privatisée à ce point. Alors elle est privatisée d'une façon insidieuse puisque la compétence, la propriété reste à la collectivité, mais la gestion du service est confiée au privé. Alors il y a un pays qui est allé plus loin qui s'appelle le Chili, quand il y avait Pinochet qui était au pouvoir, donc qui lui a donné la propriété des fleuves, des rivières, tout ça, au privé. Mais c'est vraiment l'exception. La règle n'est pas celle-là. Même aux États-Unis, très massivement, c'est le public, à 90%, c'est le public qui assure la gestion, la distribution de l'eau. Et en Europe, voilà, la France, bon, maintenant, il y a eu aussi le Royaume-Uni qui a privatisé l'eau il y a quelques années, ben, à l'époque Thatcher aussi, hein, c'est les plus libres, donc c'est pas étonnant. Mais le modèle européen, c'est plutôt la gestion publique. Et donc, il y a quelques années, il y a eu une initiative citoyenne européenne sur l'eau, donc à l'initiative de syndicats, d'associations, de collectivités, pour défendre le droit à l'eau en Europe. Et cette initiative, elle a notamment connu un énorme succès en Allemagne, où essentiellement le service est assuré par des entreprises publiques de l'eau. Alors, c'est, avec la pure particularité là-bas, c'est que c'est des entreprises publiques de l'eau et de l'énergie, hein, des entreprises moyennes, décentralisées au niveau des villes. Et eux n'avaient vraiment pas du tout envie de voir arriver les multinationales françaises dans leur pays ou dans d'autres pays européens. Donc voilà, il y a en Europe des possibilités de résistance. Il y a beaucoup d'entreprises publiques de l'eau qui existent, qui sont fédérées avec Paris, avec d'autres grandes villes, Munich par exemple. Alors après, ça vous étonnera pas si au niveau de la Commission européenne, les directives qui sont prises ne vont pas dans ce sens. Elles vont bien sûr dans le sens, comme dans tous les autres domaines, elles vont plutôt dans le sens de la marchandisation. Mais voilà, on est dans cette lutte-là. Ce qui est le plus étonnant finalement dans le domaine de l'eau, c'est qu'on est un des secteurs où il y a un retour de balancier. Où finalement, après avoir eu une privatisation qui était à l'offensive à la fin des années 90 et au début des années 2000, on est dans un mouvement de retour au public, que ce soit en France. Donc Paris, c'est l'exemple le plus fort. Mais ces dernières années, enfin récemment, il y a Montpellier, l'agglo de Montpellier, c'est pas rien, qui est retourné au public. Il y a l'agglomération de Nice. Alors c'est quelque chose, hein, de voir, d'entendre Estrosi vanter les mérites de la gestion publique. Il a fait un grand interview dans Nice ce matin, là, il y a moins d'un mois, où il explique pourquoi la gestion publique est meilleure pour les usagers d'un point de vue économique, du point de vue de l'intérêt général, que la gestion privée. Voilà, mais il y a d'autres exemples. Il y a Troyes, M. Barouin à Troyes aussi, il est retourné à une gestion publique. Il y a Blois aussi, qui est en train de le faire. Donc là, c'est des socialistes. Donc ça transcende les clivages partisans et on est dans un retour de balancier, on est dans un mouvement de retour à la gestion publique. Donc c'est intéressant parce que ça peut être aussi un point d'appui pour tout le monde. Merci, je viens d'arriver. Je voulais juste vous poser une question concernant la pollution via les aéroports. Charles de Gaulle, est-ce que ADP a prévu de faire quelque chose pour éviter le rejet de produits toxiques dans les eaux? Et est-ce que c'est le cas pour des aéroports comme le Bourget, Orly, etc., sur la région parisienne? Oui, c'est l'exemple hein, que je prenais au début. C'est un des exemples que je prenais au début. Alors, la situation est un peu différente. À Orly, ils ont mis en place depuis plusieurs années un système de phytoépuration qui est plutôt intéressant. À Roissy, et donc là, pour nous, c'est vraiment un terrain d'action et on alerte tout le monde sur ça. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a une pollution très importante qui vient de l'eau de ruissellement des pistes de l'aéroport. Et en particulier l'hiver, avec l'utilisation massive de produits de dégivrage comme l'éthylène glycol, hein, qui est un produit très toxique. Et donc, ces produits-là sont rejetés dans des petits affluents de la Marne, la Reneuse, puis la Beuvronne, et puis ils vont dans la Marne. Et on retrouve ces produits toxiques dans la Marne. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit cesser. C'est quelque chose qui est, c'est pas une situation normale. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques, elle interdit ce genre de rejet. Donc il bénéficie, l'aéroport bénéficie depuis 2009 d'une dérogation préfectorale. Donc nous, on a essayé d'attaquer cette délibération, mais on n'est pas arrivé à la faire annuler devant un tribunal administratif. Mais il n'empêche que bon, l'action qu'on a menée ces dernières années les a conduits, Roissy à faire un plan, donc avec des travaux assez importants. Donc l'idée, c'est qu'ils sépareraient les eaux les plus polluées des eaux les moins polluées. Les eaux les plus polluées seraient rejetées dans le réseau d'assainissement du SIAP. Donc ça voudrait dire qu'après, elles seraient traitées, elles iraient dans les stations de traitement des eaux usées. Et les eaux les moins polluées, elles seraient encore rejetées dans la Marne, mais plus à l'endroit où elles sont rejetées aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, elles sont rejetées finalement juste à quelques centaines de mètres au-dessus, en amont, d'une station de production d'eau potable, hein, de la station de production d'eau potable d'Anet-sur-Marne. Elles seraient rejetées en aval, un peu plus bas, et ça serait les eaux les moins polluées. Ceci dit, ce plan, il coûte 50 millions d'euros. Donc, ils ont commencé à le mettre en œuvre. Mais pour le moment, il n'est pas opérationnel. Et ils ont obtenu une nouvelle dérogation de la part de la préfecture pour rejeter leurs eaux polluées jusqu'en 2018. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant et réactif. Et donc nous, on essaye aussi de mettre en place un groupe de travail pour élargir un peu l'action sur ce sujet vraiment à toute la région parisienne. Et donc voilà, il faut qu'on soit réactif pour qu'ils ne s'endorment pas. Et que le programme qui est prévu pour traiter cette pollution soit vraiment mis en œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques ou plusieurs ? Oui, bonjour. Pour revenir un petit peu sur le plan international, ce fameux le problème d'eau. Ne pensez-vous pas que ça risque simplement d'être un vœu pieux, parce qu'au niveau droit international, on voit par exemple Israël qui a détourné le Jourdain. Pour les Palestiniens, il faut qu'il ait le petit doigt pour avoir une goutte d'eau. Ne pensez-vous pas que même si à l'ONU il y a un vote positif, c'est une chose, c'est un progrès, mais quant à l'application, on voit tellement de et sur le droit international tellement bafoué que le problème, j'aimerais avoir un petit peu votre sentiment. Et les multinationales ou les pays qui vont aider les pays soi-disant en développement essayent d'orienter plutôt vers ceux qui ont la chance d'être près d'une mer, la désalination de mer, que de vraiment créer de vraies infrastructures pour acheminer, améliorer l'eau et tout ça. Voilà, on sait qu'il y a c'est un moindre mal le dessalement de l'eau de mer, mais en qualité, c'est loin d'être le top, quoi. Merci. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Le droit international, il fait pas de miracle. Mais quand même, c'est un point d'appui. Voilà, c'est un levier politique. Et malgré tout, même d'un point de vue strictement juridique, il a servi. C'est-à-dire que, par exemple, vous parliez d'Israël. En Israël, il y a des tribus du Negev qui ont gagné à la Cour suprême d'Israël contre l'État d'Israël. Et qui ont été sur la question de l'accès à l'eau et des discriminations qu'ils subissaient sur l'accès à l'eau et avec en référence le droit international de l'eau. Donc voilà, il y a eu un autre cas aussi en Australie par rapport au peuple primitif contre une industrie minière aussi, où ils ont eu gain de cause et avec dans leur argumentation le droit international à l'eau. Mais voilà, c'est des rapports de force et c'est un levier politique qu'on a à notre disposition. Nous en France, on essaye de le. Pour le moment, il n'est pas dans la loi française, le droit à l'eau. Mais par exemple, sur les coupures d'eau, ce qui est dans la loi française, c'est le droit au logement et le droit à un logement décent. Et finalement, l'interdiction des coupures d'eau, elle s'est appuyée sur ça. Et en même temps, l'interdiction des coupures d'eau, pour nous, ça fait partir du droit à l'eau. Et ça remonte dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'à partir d'interdiction des coupures d'eau, nous, on essaye de proposer une loi qui reconnaisse pleinement le droit à l'eau pour tous. Donc voilà, c'est des points d'appui. Le droit, c'est un point d'appui politique. C'est sensible au rapport de force. Il y a la législation, mais après, il y a la jurisprudence des tribunaux. Voilà, c'est des choses qui se construisent petit à petit. C'est un mouvement qui se construit petit à petit. Après, sur la désalinisation, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que c'est pas une solution durable, parce que la désalinisation, d'une part, c'est coûteux, hein, d'un point de vue économique. Ça pollue, hein, ça consomme beaucoup d'énergie, on rejette des gaz à effet de serre. Ça pollue aussi parce que d'un côté, on a de l'eau, mais de l'autre côté, on a du sel. Et ce sel, il est souvent rejeté dans le milieu naturel, il est rejeté dans la mer, et c'est une pollution très importante. Donc la solution, quand même, c'est vraiment la gestion durable et locale de l'eau. Il y a de l'eau partout. Les populations humaines, elles ont su gérer de façon différente l'eau sur toute la planète, dans des cas extrêmes. Donc nous, on est un pays où il y a de l'eau assez facile d'accès. Mais pensons à la culture dans les oasis, où il y a toute une culture de l'eau traditionnelle qui, dans des conditions d'aridité extrême, désertique, ont permis quand même à des populations de vivre en équilibre avec la nature. À l'extrême opposé, on peut penser aux gens, aux Esquimaux, qui aussi la question de l'accès à l'eau et qui n'ont pas accès à l'eau de la même façon que nous. Bon, là aussi, ils ont trouvé une forme d'équilibre. Aujourd'hui, cet équilibre, il est rompu par la logique économique de notre société, par le fait que par le fait qu'on marchandise, par le fait qu'on ait des usages pour l'agriculture, pour l'industrie, ou une urbanisation excessive à des endroits où il n'y a pas les ressources pour le faire. Donc voilà, c'est une question aussi d'équilibre et de développement harmonieux un peu partout sur la planète. C'est pas en soi une question de ça. C'est pas une question physique avant tout, c'est une question politique, économique et sociale. On arrive à la fin de cette discussion. S'il reste une dernière question ou un mot à ajouter. Une dernière question. Bonjour, je suis arrivée un petit peu tard. Est-ce que vous avez peut-être parlé des projets, notamment en Bretagne, sur la prospection minière par le groupe australien, puis Notre-Dame-des-Landes aussi sur la zone sèche où était prévu l'aéroport. Et qu'est-ce que localement, en fait, il est possible de faire, hein, en dehors d'une ZAD? Alors c'est pas des sujets que j'ai évoqués, mais effectivement, l'eau est dans plein de sujets. Elle est fondamentale, par exemple, dans la lutte contre les gaz de schiste. Elle est très importante, effectivement, à Notre-Dame-des-Landes ou à Sivens, puisqu'il s'agit de préserver les zones humides, et que ces zones humides, elles sont complètement indispensables pour la qualité de l'eau, pour la régénération de l'eau, pour la filtration des eaux polluées, le fait qu'elles puissent se régénérer. Donc tout ça, ce sont aussi des sujets très très très importants de préservation. Ce qu'on peut faire, c'est comme pour tout le reste, hein, on peut se mobiliser, on peut agir ensemble. Moi, j'ai bon espoir dans le domaine de l'eau, parce que comme c'est quelque chose qui est tellement essentiel, tellement vital, ça effectivement, ça mobilise bien les gens. C'est ce qu'on a pu constater ces dernières années. Alors, bon, mais c'est quelque part, c'est vrai quand même aussi à Notre-Dame-des-Landes, hein, parce que s'il y a une telle, résistance, et malgré tout, l'aéroport n'est toujours pas là, c'est que la résistance est très forte. Mais sur les gaz de schiste aussi, on est arrivé à avoir un mouvement citoyen, un mouvement populaire, qui a permis de bloquer, de stopper leur... Le développement de cette industrie en France, alors que ça n'a pas été le cas aux États-Unis ou au Canada, où ça a été développé de façon massive. Moi, je crois beaucoup, alors en termes d'action, moi, je crois beaucoup au fait d'essayer de faire s'exprimer les gens. L'idée que l'eau est un bien commun, qui ne doit pas être privatisé, qui ne doit pas être pollué, c'est quelque chose qui est extrêmement partagé. Mais il faut le rendre visible. Il y a quelques années, nos amis italiens, ils étaient confrontés à une loi de privatisation de l'eau. Ils ont imposé un référendum populaire. Alors nous, en France, on n'a pas les mêmes lois, c'est pas exactement. Il n'y a pas de référendum d'initiative populaire. Mais eux, il y en a un. Donc ils se sont organisés. Il fallait 400 000 signatures pour obtenir l'organisation du référendum. Ils en ont eu 1 700 000. Et ça a été le premier référendum en 15 ans, le premier référendum, parce qu'après, pour que le résultat du référendum soit valide, il fallait dépasser les 50% d'électeurs. Ils ont eu 55% de participation. Et les gens se sont exprimés à 90% pour le rejet des lois de privatisation. Voilà, donc c'est ça aussi qu'il faut qu'on trouve, c'est les moyens de faire s'exprimer les gens. Quand on fait s'exprimer les gens, c'est massif. Ça va dans le bon sens. Et du coup, ça balaye les réticences des politiques. En France, nous, on a diverses expériences. Alors, ce n'est pas des référendums, mais de votations populaires, de consultations. Ça peut être aussi valable. On a eu une expérience l'année dernière dans l'Essonne, aussi dans le Val d'Orge. Donc, une communauté d'agglomération qui était en délégation de service public. Donc, c'était Veolia qui s'apprêtait à renouveler la délégation de service public. Et il y avait malgré tout des citoyens, une association dans une des villes qui se battait très fort, qui leur mettait une sacrée pression. Et ils ont concédé un peu comme ça d'envoyer une carte pétition à la population, dire entre régie et délégation de services publics. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'il y ait une réponse assez massive de la population. Ils ont reçu 10 000 cartes de réponse. Et sur les 10 000, ils avaient 75% de réponse en faveur de la régie dans toutes les villes de l'agglo, alors qu'ils pensaient que c'était les irréductibles de très à gauche d'une ville et que dans les autres villes, plutôt plus à droite, tout le monde allait être pour la DSP. Ça n'a pas été le cas. Partout, les citoyens, ils étaient pour la gestion publique. Et donc, du coup, sur cette lancée-là, il y a eu une réunion du conseil d'agglo et le conseil d'agglo, à l'unanimité, il a décidé d'aller en régie publique. Voilà, donc c'est un petit exemple. Mais voilà, moi, je pense beaucoup à ça. Au fait... de faire s'exprimer les gens. Donc on peut le faire nous-mêmes, on peut des fois trouver des alliés chez les élus dans les collectivités qui l'organisent ou au niveau des syndicats, des associations, mais une fois que c'est fait, ça aide fortement pour aller dans le bon sens.